Amis humains, bonjour. Ces salauds qui nous gouvernent. Écoutez. Avant de commencer cette petite réflexion sur ces salauds qui nous gouvernent, je dois avouer que mon optimisme sur la nature humaine prend des coups répétés et profonds, mais je refuse encore de céder face à cette adversité qui voudrait nous faire croire le contraire. Il faut donc qu'il y ait quelque chose de « cassé » chez ces gens pour qu'ils puissent faire preuve de tant de cynisme, de tant de méchanceté, de tant de cruauté. La question que je me pose en fait, c'est comment ces hommes, qui sont pour moi des êtres comme les autres, doués de sentiments, de rêves, de déceptions et d'amour, ont pu ainsi basculer dans un univers mental qui puisse justifier d'envoyer des hommes se battre dans tel ou tel endroit de la planète, pour telle ou telle raison. De persister avec autant d'aplomb dans leurs mensonges, leurs petits arrangements, leurs lourds secrets. Je voudrais savoir ce qui s'est passé dans leur enfance, ou dans leur vie, pour qu'un jour ils soient capables d'imaginer qu'en appauvrissant les peuples, qu'en les méprisant, qu'en les effrayant, ils puissent faire quelque chose de bien pour le futur des sociétés humaines. Croient-ils réellement que leurs actions seront suivies de bienfaits pour le plus grand nombre ? Ont-ils à ce point perdu le sens des responsabilités, de la réalité, pour ne penser qu'à leur propre pomme et uniquement aux élections suivantes ? Ou ont-ils tout simplement adhéré à une idéologie qui considère la vie des hommes comme peu de chose, qu'il est indifférent que des enfants meurent de faim dans tel ou tel pays si la bourse continue de monter ? Considèrent-ils que, foutu pour foutu, il vaut mieux se servir avant que tout ne s'effondre ? Tout cela est tellement absurde que je n'arrive pas à comprendre. Nos hommes politiques ne sont pas des idiots, et ils connaissent la situation bien mieux que nous-mêmes, ils ont accès à des informations de première main, ils ne sont pas censés prévoir la veille pour le lendemain, quand on voit avec quelle avance sont préparés les jobs ou les gros chantiers, on peut imaginer que le reste suit, non. Alors voilà, je veux bien comprendre que tout ceci soit pris dans un engrenage, ou tout ce qu'on voudra, mais ils le savaient avant. Je ne peux pas non plus accepter la théorie selon laquelle l'intérêt général est satisfait si l'on sacrifie 10 hommes pour en sauver 100, à ce compte la morale est respectée jusqu'au sacrifice de 49. Et puis je suis tombé l'autre soir sur une émission, Les routes de l'impossible, en Guinée-Conakry, la misère y est intolérable. Pas d'électricité ou presque, pas de médecine ou presque, pas d'éducation ou presque. Un pays verdoyant au sous-sol gorgé de richesses, mais où des enfants de 5 ans passent 12 heures par jour à poncer du bois. Où des femmes perdent leur bébé à l'accouchement faute de moyens de communication, d'ambulance, d'outils adaptés. Où des enfants de 2 ans et demi pèsent à peine plus de 6 kilos. Plus d'un enfant sur 10 meurt avant 5 ans, disait la voix off. Une espérance de vie à 50 ans. À cela, il y a de nombreuses raisons, et toutes ne sont pas aisément contournables, mais il en est une qui nous ramène directement à notre sujet, ainsi qu'à celui de l'émission, les infrastructures. L'absence de route, la vétusté est un terme qui signifierait qu'il reste quelque chose, empêche tout développement économique, tout commerce, tout progrès. Les bandits profitent du chaos, il faut des heures pour faire 50 km, risquer sa vie pour aller quelque part, exploiter ou louer des enfants pour faire vivre sa famille. Les vaccins arrivent périmés dans les pharmacies, les ambulances aux couleurs de l'UNICEF d'il y a 15 ans arrivent toujours en retard, si elles arrivent. Pendant ce temps-là, nos dirigeants pavoisent sur leurs projets et leurs réalisations, incapables de donner les quelques millions que demanderait la construction de routes dignes de ce nom. Je ne suis pas un connaisseur de l'Afrique et des liens qu'un pays comme la Guinée-Conakry entretient avec la France, mais je crois savoir qu'il existe encore tout de même un peu. Comment peut-on être à la tête d'un État comme la France et ne pas agir avant toute autre chose pour tenter de régler ce gravissime problème ? Non, sans doute cet autre petit reportage que j'ai regardé le lendemain fera bien plus parler de lui, des millions de poussins broyés ou étouffés car non rentables pour l'industrie. Des parlementaires et des associations se sont emparés de ce scandale, je ne nie absolument pas la monstruosité de ces pratiques, la vidéo qui est liée à l'article ne précise pas pour rien que certaines images peuvent choquer, et on peut être à peu près certain que les choses vont bientôt, et fort heureusement, changer dans les « poussinières » françaises. Mais où sont donc les parlementaires qui s'insurgent contre les ignobles conditions faites aux petits Guinéens ? Où sont les associations qui s'insurgent contre l'inaction du gouvernement en la matière, et surtout avec quels résultats ? Faut-il y voir la conséquence de la théorie du « mort kilomètre » ? Plus les morts sont éloignés de nous, moins nous sommes touchés par elles, ou le fait que nos élus, même s'ils compatissent au sort des Africains, calculent qu'il est plus judicieux pour leur carrière de défendre des poussins que des Noirs. ou bien en sont-ils arrivés à croire que les Noirs sont pauvres parce qu'ils le veulent bien, tandis que les Poussins n'ont rien demandé? Mais si ce qui est écrit ici est vrai, nous avons peut-être alors un début de réponse, nous ne sommes riches que parce qu'ils sont pauvres. Et nous ne faisons rien pour que cela change. Cela me dégoûte profondément. Comment pourrais-je voter encore ? Il faudrait mettre ces salauds qui nous gouvernent en prison, les nôtres et ceux des autres pays, au lieu de voter pour eux. Source : Calabiri, http://calabiri.unblog.fr. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.